بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. طيب، aujourd'hui on avait dit qu'il fallait refaire le السابع. وعليكم السلام. تفضل. بدأ اليوم. طيب، عزيز. لو جيمي اشترى ملابس كثيرة. شارع الزحام. هذا الشارع فيه زحام. الأقمشة السوق. الأقمشة كثيرة. كثيرة في هذا السوق. نعم، كلي تيسي سو تري نومبرو دون سو سوق. مرة معظم. مرة محمد امام معظم المحلات. نعم، محمد دي باسي دون لا بلوبار دي ماغازان. المحلات التجارية. هذه المحلات اصغر اصغر لا اصغر اصغر من المحلات تجارية. نعم. تقول في مت تجارية صفة من محلات. المحلات التجارية كذا كذا. لا. شو بدي؟ أمشي تضيف شيء. كسوة في النهاية، كسوة في الأخير، كسوة في البداية. كسوة في البداية. كسوة في البداية. كسوة في البداية. كسوة في البداية. كسوة في البداية. كسوة في البداية. رأى أمامه. زيدون وراء زيدون المعارض المعارض لا المعارض نعم المعارض أمامه. زيد il a vu les stands devant lui. طيب، المعارض ليلا تفتح ليلا. المعارض تفتح s'ouvre de nuit. نعم. طيب، correct، أحسنت. ما أدري، نواصل. ندخل في الدرس الثالث اليوم بعنوان أنواع المحلات التجارية. genre de boutique، يعني des lieux commerciaux. أنواع، c'est le جمع de نوع، qui veut dire un genre، كاتيجوري، غير ذلك. تمام. كلمة الجديدة الكهربائية. Kahrabaïya, c'est pris de kahraba, qui veut dire électricité. Kahrabaïya, c'est les choses électriques, électroniques. Akada. Al-ajhiza, c'est le terme de jihaz, qui est tout ce qui est appareil, équipement. Ça peut être outil, ça peut être chose qu'on utilise. Ikhtiyarun, c'est le masdar de اختار يختار qui est le choix, c'est-à-dire le choix. محل، on a pris déjà محل. منظم، منظم là c'est une chose qui est organisée, qui est structurée, qui est ordonnée. C'est l'isma foul de نظم ينظم qui veut dire à la base organiser une chose ou la mettre en place ou la structurer. أقسام، c'est le جمع de قسم. Et là ils veulent parler les rayons du محل. La base qism, c'est une partie de quelque chose, ça a un sens plus large. On a dit aqsam al-tawhid, le genre de tawhid, catégorie de tawhid. Naam. Khassun, c'est une chose qui est privée, spécifique. C'est le axe de am. Al-sira', c'est le genre de sila'a. C'est misl al-bida'a, c'est la marchandise. La marchandise. Là, c'est le jam. Sila, c'est le jam de sila. Et c'est la marchandise. Bay'un, c'est le masdar de ba'a yabi'u, qui veut dire vendre. Donc là, bay'un, c'est la vente. Lu'ab al-atfali, c'est les jouets pour enfants. Lu'ab, c'est le jam de lu'ba, qui est à base d'un jouet. Le ab, c'est le jam. Et atfal, c'est le jam de tifl, qui est l'enfant. El adawat, el manziliya. El adawat, c'est tout ce qui est également, on va dire là, adawat, c'est le jam de ada, qui est un outil, pareil, un instrument. Là, on va dire par là, c'est les équipements ménagers. Menzilia, c'est les choses qui se rapportent à la maison. Menzil, là-bas, c'est Beit, c'est la maison là où tu vis. El Jawahir, c'est le jam de Jawahar, c'est diamant, pierre précieuse. Wattilfaz, on a dit, c'est la télévision. Wahokmoha, na haram. Taïb el Hiwar. Sa akra, ma yakoulu Mustafa, ou en tatakra, ma yakoulu Hassanoum. طيب قال سنشتري الملابس من هذا القسم أما الأهدية فسنشتريها من القسم الثاني. Donc il dit nous allons acheter les vêtements de ce rayon et quant aux chaussures nous allons les acheter du deuxième rayon. إنني أفضل أن نشتري الملابس أولا ثم نذهب إلى المحل لمحلي الأجهزة الكهربائية أما الأحذية فإن اختيارها لا يأخذ وقتا كثيرا كبيرا. نعم. Ok, dis-moi. Je préfère qu'on achète d'abord le malabis, awalen c'est d'abord en premier. Ensuite, thumma. On va dans les boutiques d'appareils ménagers, d'appareils électroniques, plutôt, non, kahrabaïa. Et quant aux chaussures, leur choix ne prendra pas beaucoup de temps. Yakhou, c'est akhaza, yakhou, c'est prendre. Et on a expliqué amma fa, ça va venir, inshallah, dans les tamarines. Paul, naf'alu hadha li annana nastati'u. التجول وتجول نعم التجول بعد ذلك في أقسام السوق الأخرى. Donc il dit nous allons faire comme cela car nous pouvons تجول on dirait se déplacer يعني faire un tour voir nous pourrons faire un tour ou voir dans les autres rayons du souk. Après cela. إن هذا السوق منظم فكل قسم من أقسامه يبيع نوعا خاصا من أنواع السلع. انظر هناك على اليمين قسم لبيع الساعة وقسم آخر لعاب ما في ال لعاب الأطفال وقسم ثالث لبيع المواد الغذائية. نعم. Donc il dit ce souk est ordonné. Certes, ce souk est ordonné, il est bien rangé, bien structuré. Et chaque qism, chaque rayon, parmi ces rayons, vend un genre particulier de marchandises, comme les genres de marchandises. Regarde là-bas, sur la droite, il y a un rayon pour vendre les montres. Et un autre rayon pour vendre les jouets. Et un troisième rayon pour vendre les produits alimentaires. Al-Mawaddi, Al-Ridaiya, ce sont les produits alimentaires. قال وانظر أيضا وعلى اليسار قسم لبيع الأدوات المنزلية وقسم آخر لبيع الذهب والجواهر وقسم ثالث لبيع أجهزة التلفاز والراديو وغيرهما من الأجهزة الكهربائية. Donc il dit regarde aussi, أيضا c'est aussi également sur la gauche, à la yassar, un rayon qui vend les équipements ménagers. Adawat Manziliya. Et un rayon qui vend l'or et les pierres précieuses, les diamants. Et un rayon, troisième rayon, pour la vente. Là, il dit les bayet, c'est la vente, mais nous, en français, on va dire pour vendre. Les appareils comme la télévision, la radio et autres parmi les appareils électroniques. Naam. Wa huna intaha al-hiwar. قال في التدريب الأول. Celui-là, il sera à la maison, inshallah, في البيت. أجيب عن أسئلتي التالية. Réponds aux questions suivantes. وهي متعلقة بالدرس. Salut au درس. قال أولا. Car tu as besoin de lire dans le texte. أن تفكر ثم تأتي بالجواب المناسب. قال هل سيشتري مصطفى وأحمد الأحذية من قسم الملابس؟ Est-ce que Mustafa et Ahmed vont acheter les chaussures du rayon des vêtements? Anta tujib kama jaa fi an-nass. Thaniyan, madha yufaddilu Hasanun an yashtari awwalan? Qu'est-ce que Hassan préfère acheter en premier? Thalithan, ila ayna sayadhhabani ba'd ash-shira'i al-malabis? Où est-ce qu'ils vont se rendre après l'achat des malabis? Yadhhabani ayyuhuma? رابعا هل سيأخذ اختيار الأحذية وقتا طويلا؟ Est-ce que le choix des chaussures va prendre beaucoup de temps ou à longtemps? Là c'est longtemps, mais nous on va dire beaucoup de temps. Beaucoup de temps. خامسا لماذا هذا السوق منظم؟ Pourquoi est-ce que ce souk est structuré, ordonné? سادسا أين مكان بيعي الساعة؟ Où est le lieu de vente des montres? سابعا هل يوجد قسم لبيع المواد الغذائية؟ Est-ce qu'il y a un rayon pour vendre les produits alimentaires? نعم. نعم. أم لا؟ ثم تريد تفصل تفصل. واجب أن نفصل؟ ما يلزمك أحيانا مستحب. Des fois c'est mieux. ثامنا ماذا يرى مصطفى على اليسار؟ Qu'est-ce que مصطفى voit sur la gauche? تاسعا اذكر بعض الأجهزة الكهربائية. Cite certains appareils électroniques. هذا في البيت كما قلنا. التدريب الثاني. Deuxième exercice. أكمل كما في النموذج. النموذج عندنا كلمة الحذاء بنقوسين. أما لا سيفا فعل أما وفا كما لا يفري أما التفصيلية. Ensuite la phrase est tu rentres fa dans le khabar. أما قبل المبتدا والفا يدخل في الخبر. يقول الحذاء أما الحذاء فسنشتريه من القسم الثاني. Les chaussures, quant aux chaussures, alors nous allons les acheter dans le deuxième rayon. طيب التلفاز. Trouve une phrase شرعية, جملة شرعية مفيدة نصيحة. أما التلفاز لن أشتري فلن نشتري لأنها حرام. Quant à la télévision, nous n'achèterons pas car elle est haram. نعم. تقول أما التلفاز فنحرمها ونحرمه بالأدلة الصحيحة. Quant à la télévision, nous la rendons interdite conformément aux أدلة authentiques. الساعة. La montre. أما الساعة فسنشتري من القسم الثاني. فسنشتريها من القسم الثاني. أما المذياع راديو. نعم. فسنشتريه من القسم الثاني. Quant à la radio, nous allons l'acheter du deuxième rayon. أما القميص فسنشتريه من القسم الثاني. والهدي الهدية كدو. أما الهدية فسنشتريها من القسم الثاني. وعليكم السلام. اللعبة. أما اللعبة فسنشتريها من القسم الثاني. نعم جوال ونشتري الدوزيام غير. الثالث استعمل أفضل هذا كما في النموذج. Je préfère cela. أفضل صفات أفضل préféré comme dans l'exemple. أفضل هذا لأننا نستطيع التجول بعد ذلك. لا تجول بس تجول. Non, c'est il jouel. Alors, vas-y, fial. Donc, je préfère cela, car nous ne pouvons pas à la suite nous déplacer après cela. Nous pouvons nous déplacer par la suite, non, après cela. Ça fait 9 ce schéma, le kilomètre, elle l'a dit bien conseillé. Non. Il n'y a pas de kilomètre. Là, à la base de Nastatir, de. Si Joël, tu mets le mot qui est entre parenthèses. En fait. Non, pour faire cela, comme nous pouvons voyager après cela. Vous sachiez, on peut manger après cela. Non. Non. Nous pouvons dormir après cela. Là-bas, c'est sommeil, mais nous, en français, on va dire dormir directement. Préfère cela car nous pouvons faire les achats, en fait, après cela. Non. Faire cela car nous pouvons faire la visite après cela. Pouvons le sortir après cela. Non. Ça, c'est plus. Le jawahir. Là, il y a d'où là, là. Hadath. Là, il n'y avait que des masadir, des masdar. Ama jawahir. Là, je ne sais pas pourquoi il a mis ça ici. Il n'est pas à sa place. Il aurait dû mettre Nastatir, Masselen, Shira et Jawahir. Acheter des diamants. Ama Jawahir tout seul, là, il n'est pas. Il ne rentre pas dans le modèle demandé par le Kitab. Arabia. Akmil Kama fi Namouzaj. Yaqul. Souq Munazzamun. Entre parenthèses. ثم يريد إن هذا السوق منظم سعر السوق منظم أولا يعلم شيئا إن هذا السوق منظم إن حرف نصب إن حرف نصب توكيد هذا إن سأوضع الفاظ ويا مبتدأ ويا خبر الأصل de la phrase est هذا السوق منظم منظم صار بس لا خاص هذا السوق منظم هذا سا مبتدا السوق سا بدل يعني il vient l'équivalent de هذا dans la phrase on appelle بدل et منظم سا خبر quand إن rentre elle change l'irlope de la phrase le خبر il devient اسم إن Il devient mansoub et le khabar devient khabar inna et il reste marfou. Avec la dhamma. Fa'l'ayn asbaha al-jumla inna hadha souqa munazzamun. Souqa il est mansoub pourquoi? Parce qu'il est badal de hadha et hadha il est mansoub par inna. Taïe, maintenant on fait ça avec les autres phrases qu'il y a par la suite. Mouazzafoun mouchtahidoun. Inna hadha le mouazzafa mouchtahidoun. Et là, il faut rajouter « elle ». Al-Muwaddafa. Non. Pourquoi vous rajoutez « elle » Parce qu'on a dit que le mot « elle » devient « badel » de « hadha ». Et « hadha », c'est « ism-shara ». « Ism-shara », c'est « ma'arifa ». Donc le badel doit être ma'rifa comme lui. Car si tu disais inna haza muwazzafu al-mujtahidun, la phrase a pris un autre sens. Ah, ça veut dire, là ça veut dire inna, il reste inna. Haza, il devient ism inna, muwazzaf devient khabar inna, et mujtahid devient sifat de muwazzaf. Ça veut dire en fait quoi? Ça, certes, c'est un employé mujtahid. Et l'autre phrase que nous on veut, certes, celui-là, quand même, celui-là, ou plutôt ce, enfin, plutôt non, certes, cet employé est mujtahid. Yani les phrases, elles n'ont pas le même sens. Takriban. Lakin dans l'Irlande, elles changent totalement. Ce n'est pas les mêmes. Fais attention. Là, on pourra plus ça dans une quand on fera la Jérémia ou Adil Koutou Finnako. Fundukun. Fundukun Kabirun. Grand hôtel. Inna hadha al-funduqa. Aywa. Kabirun. Kabirun. Babun Sagirun. Petite porte. Inna hadha al-babu. Baba. Baba. Sagirun. Sagirun. Dukkanun Kabirun. إن هذا الدكان كبير. حذاء غال. Chaussure chère, onéreuse. إن هذه حذاء غالية. لا. لا. L'erreur, c'est pas là l'erreur. D'accord. إن هذا حذاء. إن هذا الحذاء. On a dit que c'est le badal d'ism shara. Vous êtes ma'rifa comme lui. Toi, tu l'as mis nakira. Je veux dire, inna hadha al-hidha'a. Naam. Ghalin. Pourquoi c'est ghalin? Pourquoi c'est une kasra sur ghalin, là, à la fin? Ce mot-là, il fait partie des mots. Il fait partie des artistes, mais le mot. Comment ça s'appelle, ce mot-là? Il termine par aria, non? Naam. Ism manqous. Manqous. Qui finit à la base par un ya, et dans le nakira, ce ya s'écrit tanwin. En fait, il est marfou, mais la dhamma n'apparaît pas. Elle est muqaddara. À la base, il est marfou. Mais tu ne peux pas la mettre. Là, il ne peut pas se dire que ghalin, il est majrour. Là, c'est kasra qui est ici, elle remplace un ya. Et ce ya, à la base, empêche la dhamma d'apparaître. Ada kadale, c'est le khudu, fi kitab, fi kutub al nahw. Qamisun rakhisun. Inna hadha. Inna hadha al-qamisa rakhisun. Tu vois bien là, le L et la fatha te changent l'irab de la phrase. طيب الخامس على سيكون في البيت. يقول املاء الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه. Tu dois choisir les mots et les mains dans les phrases qui correspondent. كلمات محل التجوال خاصة أيضا المواد الصوص الجبري. Première phrase. أفضل هذا لأننا نستطيع le trou et وين تمشي بعد ذلك في أقسام السوق الأخرى. Préfère cela car nous pouvons mettre le mot après cela dans les autres rayons du souk. ثانيا وقسم ثالث لبيع الغذائية. Et un troisième rayon pour vendre les alimentaires. ثالثا ثم نذهب إلى الفراغ الأجهزة الكهربائية. Ensuite nous pourrons dans les équipements ou les appareils électroniques. رابعا وأنا أرى عن يساري لا ضم على ليتخن خطا عنو إن ينضم على النون الضم على تنيغة نفسيون أرى عن يساري قسما لبيع الأدوات المنزلية المنزلية. Donc il dit moi je vois à ma gauche un rayon de vente d'appareils ménagers, d'équipements ménagers. Khamisan, wa kullu qismin min aqsami ad-dukan yabi'u sil'atan. Et chaque rayon des rayons de ce dukan vend de la marchandise, et après à toi de trouver le. سادس يقول أفعل هذا لأنني لا أستطيع شوفوا من التجوال ليش التجوال وجاك الغلط سي كو الكسرة بس التجوال ما جدوا ولا وصف فعل مي سي تروف التجوال en tout cas insiste sur التجوال avec la fatha on va rester sur ce أفعل هذا لأنني لا أستطيع التجوال بعد ذلك. Je fais cela car après je ne pourrai pas me déplacer ou faire un tour. Là c'est avec أنا. أفعل هذا. Après il veut parler avec les autres domaires. هو, هي, أنت, أنت, هما مذكر, هما مؤنث, أنتم, أنتن. Allez, fais-le maintenant. هذا خلاص خلاص الاكزامبل الا نريد معه هو يفعل هو يفعل هذا لانه لا يستطيع نعم التجوال بعد ذلك احسنت هي ال تفعل تفعل هذا لانها لانها لا تستطيع نعم التجوال بعد ذلك احسنت انت وانت اولا تفعل أنت تفعل هذا لأنك لأنك لا تستطيع التجوال بعد ذلك نعم أنت أنت تفعلين هذا لأنك لا تستطيعين نعم التجوال بعد ذلك أحسنت هما مذكر eux deux masculin تفعلان لا هما قال بس غايب يفعلاني يفعلاني هذا نعم لأن ايوه سلاليك لأن لا لأنهما لأنهما إنهما لا يستطيعان لا يستطيعان التجوال بعد ذلك هما مؤنث C'est le même que hiya, tu ajoutes an à la fin. Alif wa noun. C'est le même que hiya, le début, et la fin, ani. Taf'alani. Taf'alani hada. Taf'alani hada. C'est le même que le muzakkar. Liannahuma. Liannahuma. La tastati'ani. At-tajwala bardadab. C'est ça qui te permet de différencier entre antuma et huma. Là, quelqu'un pourrait dire. Tafalani, ça peut être vous deux. On dit non parce qu'après il dit liennahuma. Ça revient à Damir Raib. Donc forcément il parle de. Et le ta, il vient pour le Raib que pour le muannaf. Hiya, auhuma. Donc là, il faut voir les indices qui te permettent de pouvoir déceler quel Damir il est. Parce que des fois les gens s'embrouillent. Antum, vous. نعم تفعلون هذا لأنكم لا تستطيعون تستطيعون لا تستطيعون التجوال بعد ذلك نعم أنتن تفعلن أحسنت تفعلن هذا لأنهن لا لأنتن لأن كنا لأن كنا لا تستطيعنا لا تستطيعنا مخاطب صحيح مخاطب لا تستطيعنا التجوال بعد ذلك نعم أحسنت السابع أي يهم. يفعلون هذا لأنهم لا يستطيعون التزول بعد ذلك. أحسنت. نحن نفعل هذا لأننا لا نستطيع التزول بعد ذلك. ما شاء الله، اللهم بارك. طيب السابع يكون في البيت. C'est poser les questions des réponses données. قال نعم هذا السوق منظم. Oui, السوق est ordonné. ثانيا يفضل مصطفى التجوال بعد ذلك. مصطفى préfère le déplacement, le tour après cela. ثالثا سيشتري مصطفى الأحذية من القسم الثاني. مصطفى va acheter les chaussures du deuxième rayon. رابعا اختيار الأحذية سهل لأن أنواعها كثيرة. Le choix des chaussures est facile car elles sont de beaucoup de gens. Ah justement, c'est le contraire. C'est pas logique. خامسا يفضل مصطفى شراء الجواهر الآن. مصطفى préfère acheter les pierres précieuses, les diamants, maintenant. قسم بيع الساعة على يميننا. Que le rayon de vente des montres est sur notre droite. Donc ça, tu réponds à ces questions, à ces plutôt tu interroges à propos de ces réponses-là. والثامن, tu vas le faire également à la maison. On a Kifuna. Yakul. اربط الجمل التالية بما يناسبها مما يلي من حروف. Donc là, il faut que tu lis entre les phrases avec les حروف qui sont correspondantes. On a li, on a على, on a min, on a ثم, on a فا. لي حرف جار, على حرف جار, من حرف جار, ثم حرف عطف, وفا حرف عطف. يقول أفضل هذا أننا نستطيع التجوال بعد ذلك. C'est facile. ثانيا وانا ايضا ارى يساري قسما لبيع الادوات المنزليه. C'est des phrases qui sont déjà passées. ثانيا سنشتري الملابس هذا القسم. Et le harakat qui est dans le mot derrière t'aide à trouver le harf qui correspond. رابعا انني افضل ان نشتري الملابس اولا نذهب الى المحل الاجهزه الكهربائيه. Traduis pas parce que sont déjà dans le texte, on a déjà pris. خامساً إن هذا سوق منظم كل قسم من أقسامه يبيع نوعاً خاصاً من أنواع السلع. طيب سنا كيفنا اليوم الحمد لله تاع الجمعة pour faire cela. عندك وقت إن شاء الله. Attends, justement, comme on est Jumu'a, je vais te rajouter un tadrib. Le tassir, on va le faire le tassir aussi. Ah, filbait. C'est simple. C'est utiliser les mots dans les Jumu'a Mufida. Ishtara, Ikhtiar, le choix, Tajwal, Qismun, Assil'u, Ba'a, At-Tilfazu, منظم أدوات خاص. Ces mots-là, tu les mets dans une phrase mufida. Plusieurs une phrase ou chacune une phrase. كما تحب أرى راحتك. مفهوم هذا؟ اليوم سنقف هنا لهذا الدرس والحمد لله رب العالمين.